La guerre du feu, deuxième partie, chapitre 1. Les cendres. Longtemps il se trouva dans cette obscurité sans astre qui avait retardé la fuite. Puis une clarté filtra à l'orient. Répandue avec douceur dans la mousse des nuages, elle descendit comme une nappe de perles. Nao vit qu'un lac barrait la route du sud. Son œil n'en pouvait apercevoir la fin. Le lac vibrait lentement. Le nomade se demanda s'il faudrait le contourner vers l'est, où l'on discernait une rangée de collines, ou vers l'ouest, pâle et plat, entrecoupé d'arbres. La lumière demeurait faible. Une brise coulait délicatement de la terre sur les vagues. Très haut, un souffle fort s'éleva qui traquait et trouait les nues. La lune, à son dernier quartier, finit par se dessiner parmi les effilochures de vapeur. Bientôt, une grande citerne bleue reçut l'image arquée. Pour la prunelle perçante de Nao, le site se dessina jusqu'aux frontières mêmes de l'horizon. Vers le levant, le chef discernait des côtes et des lignes arborescentes, estompées à contre-lune, qui indiquaient la route du voyage. Au sud et vers l'ouest, le lac s'étendait indéfiniment. Il régnait un silence qui semblait se répandre des eaux jusqu'au croissant argentin. La brise devint si faible qu'elle tirait à peine, par intervalle, un soupir des végétaux. Là, d'immobilité, impatient de préciser sa vision, Nao sortit de l'ombre du peuplier et rôda le long du rivage. Selon les dispositions du terrain et des végétaux, le site s'ouvrait largement ou se rétrécissait, les frontières orientales du lac apparaissaient plus précises, des traces nombreuses décelaient le passage des troupeaux et des fauves. Soudain, avec un grand frisson, le nomade s'arrêta. Ses yeux et ses narines se dilatèrent, son cœur battit d'anxiété et d'un ravissement étrange. Les souvenirs se levèrent, si énergiquement qu'il croyait revoir le camp des Oulamres, le foyer fumant et la figure flexible de Gamla. C'est que, au sein de l'herbe verte, un vide se creusait avec des braises et des rameaux à demi consumés. Le vent n'avait pas encore dispersé la poudre blanchâtre des cendres. Nao imagina la quiétude d'une halte, l'arôme des viandes rôties, la chaleur tendre et les bons roux de la flamme. Mais simultanément, il voyait l'ennemi. Plein de crainte et de prudence, il s'agenouilla pour mieux considérer la trace des rôdeurs formidables. Bientôt, il sut qu'il y avait au moins 3 fois autant de guerriers que de doigts à ses 2 mains, et ni femme, ni vieillard, ni enfant. C'était une de ces expéditions de chasse et de découverte que les hordes envoyaient parfois de grandes distances. L'état des eaux et des filandres concordait avec les indications fournies par l'herbe. Il importait à Nao de savoir d'où les chasseurs venaient et par où ils avaient passé. Il craignit qu'ils n'appartinssent à la race des dévoreurs d'hommes qui, depuis la jeunesse de Goun, occupaient les territoires méridionaux des 2 côtés du grand fleuve. Dans cette race, la stature dépassait celle des Oulamres et celle de toutes les races entrevues par les chefs et les vieillards. Ils étaient seuls à se nourrir de la chair de leurs semblables, sans pourtant la préférer à celle des élafes, des sangliers, des daims, des chevreuils, des chevaux ou des émiones. Leur nombre ne semblait pas considérable. On n'en connaissait que 3 hordes, alors que Wag, fils du lynx, le plus grand rôdeur né parmi les Oulamres, avait partout rencontré des hordes qui ne mangeaient pas la chair de l'homme. Tandis que les souvenirs parcouraient Nao, il ne cessait de poursuivre les traces empreintes sur le sol et parmi les végétaux. La tâche était facile, car les errants, confiants dans leur nombre, dédaignaient de dissimuler leur marche. Ils avaient côtoyé le lac vers l'orient et cherchaient probablement à rejoindre les rives du grand fleuve. 2 projets se présentèrent aux nomades. Atteindre l'expédition avant qu'elle ne rejoigne ses terres de chasse et lui dérober le feu par la ruse. Ou bien la devancer, parvenir avant elle près de la horde privée de ses meilleurs guerriers et guetter l'art favorable. Afin de ne pas prendre une mauvaise route, il fallait d'abord suivre la piste. Et l'imagination sauvage, à travers les eaux, les collines et les steppes, ne cessait de voir les rôdeurs qui emportaient avec eux la force souveraine des hommes. Le rêve de Nao avait la précision des réalités. Il était plein d'actes, plein d'énergie, plein de gestes efficaces. Longtemps, le veilleur s'y abandonna, tandis que la brise mollissait, s'affaissait s'évanouissait de feuille en feuille, de brin d'herbe en brin d'herbe.